On disait qu'il y avait beaucoup de livres qui sortaient. Vous en fabriquez combien par an de votre maison d'édition Cornelius Jean-Louis Gautet? Concrètement, entre la limite qu'on s'est fixée depuis longtemps, c'est entre 12 et 20. Et alors après, de façon totalement empirique, j'ai l'impression qu'on peut difficilement imaginer faire plus de 30 bons livres par an. Et non, je pense pas qu'on fera 30. Des 20, ce sera un maximum. Pourquoi vous fixez une limite alors? Ben, c'est une limite qui correspond déjà à ce qu'il est techniquement possible de défendre. Parce que je pense qu'au-dessus de 20 livres, en fait, 20 livres, c'est très simple. Si vous prenez l'année, il y a 12 mois. Il y a 2 mois pendant lesquels il n'y a pas de diffusion en librairie, qui sont le mois de décembre et les mois d'août, ou mois de juillet, selon. Donc ça fait 10 mois. Donc 20 livres, ça fait 2 livres par mois. Ça me paraît difficile de défendre correctement plus de 2 auteurs et de 2 livres par mois. C'est juste ça. Et ça veut dire quoi, défendre correctement? Défendre correctement, ça veut dire... Alors après là, ça dépend des gens, quoi. Il y a des gens qui, pour défendre correctement, qui vont payer des attachés de presse. Moi, ce que j'estime correct pour un auteur, vraiment la première chose, c'est de mettre à disposition, dans le plus grand nombre d'endroits. Après, les gens font ce qu'ils veulent, ils l'achètent ou ils ne l'achètent pas. Et c'est de le maintenir en surface. C'est-à-dire que le gros problème de la librairie et de l'édition aujourd'hui, c'est l'engorgement. Les libraires étant la plupart du temps les otages d'un système qui était très bon à l'origine, c'est le système qu'on appelle de l'office, qui a été mis en place pour donner l'assurance que les livres étaient présents en un exemplaire partout. Donc en fait, le libraire paye ses livres. Et ensuite, si au bout d'un moment, si au bout de 6 mois, il ne les a pas vendus, il a le droit de les rendre à l'éditeur qui le rembourse. Et ça, ça entraîne le phénomène de cavalerie, parce que si le livre n'est pas vendu, un éditeur n'a jamais envie de rendre l'argent, hein, faut le savoir. Donc il aura plutôt tendance à donner un livre en échange, donc il va imprimer un livre pour couvrir finalement le livre. Au lieu de rembourser, il redonne un autre livre. Rembourser, voilà, moi je schématise évidemment. Et puis, comme il faut qu'il continue à assurer son petit train de vie, il va publier un ou deux livres par-dessus. Donc le libraire finalement est toujours en situation d'avoir à payer. Et donc, bon, vous comprenez quoi, c'est mécanique. Ensuite, il y a de plus en plus de bouquins qui s'entassent. Mais ça pose aussi la question de la durée de vie d'un livre. La durée de vie d'un livre, alors moi je parle pour ce que je connais, c'est-à-dire la bande dessinée et le livre d'images. Je ne sais pas tout ce que ça donne en littérature, mais j'imagine que c'est pire. Aujourd'hui, ce qu'ils appellent la rotation en facing, c'est terme lamentable, mais bon, si vous voulez que c'est comme ça. Donc en fait, le livre présenté de face sur une étagère, en nouveauté, aujourd'hui c'est 3 semaines. En fait, le livre, il a 3 semaines pour exister. Je sais pas vous, mais moi je vais pas toutes les 3 semaines ou toutes les 2 semaines en librairie, donc il y a forcément des livres que je rate si je me tiens pas au courant d'une autre façon. Donc, le truc pour défendre correctement un auteur, c'est pas seulement de le sortir avec du champagne partout et puis des confettis en criant génie, c'est aussi de lui assurer que on va pas mettre trop de livres en place, parce que si on met trop de livres en place, le libraire va vouloir les rendre, et s'il rend des livres, il résout une équation qui est que livre rendu égale auteur qui se vend pas, et ça c'est très préjudiciable à la carrière d'un auteur. Donc on ne charge pas les libraires, on essaye d'être respectueux de ce qu'ils font. Et puis, en parallèle, on fait en sorte que le livre soit toujours présent, toujours défendu. Un auteur comme Blutch, par exemple, avec Peplum, ou avec d'autres livres, on a fait pas mal de bouquins avec lui. C'est quelqu'un qui avait déjà une carrière avant qu'on le rencontre. C'est quelqu'un qu'on a aidé à changer. On lui a offert la possibilité de prouver qu'il n'était pas qu'un auteur humoristique dans les pages du Flux Glacial, mais c'est aussi quelqu'un qu'on a maintenu, qu'on a soutenu à bout de bras pendant 10 ans. Et aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas dû qu'à nous, qu'à notre travail, puisqu'il publie chez d'autres éditeurs, mais aujourd'hui, les livres difficiles de Blutch se vendent. Voilà, je prends l'exemple du Peplum, parce qu'il est assez symptomatique d'un système qui se dévore lui-même. Qui produit qui essaie de donner au public ce que le public attend, ce qui est la pire des conneries, quoi. Parce que si on sert la soupe, si on sert le même goût toujours à quelqu'un, ça va pas l'éveiller, ça va tuer son appétit, et il va juste se nourrir. Il va arrêter de manger pour le plaisir. Donc, c'est ça le job aussi. Il y a un homme dans le monde de l'édition qui justement a tenté de d'œuvrer pour attirer le regard des lecteurs, parce que c'est aussi ça finalement quand il s'agit d'acheter un livre, c'est Massin. Cet homme-là, il est typographe. Mmh. C'est lui qui a inventé, par exemple, les couvertures des livres de poche folio avec la couleur blanche et la typographie. Je vous propose de l'écouter, là. Depuis que je fais ce métier, j'ai pris conscience de plus en plus qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre l'affiche et la couverture du livre. Toutes les deux sont vues en passant. Bon, la différence énorme, évidemment, c'est le format. Mais quand j'ai vu travailler des artistes comme Savignac ou Lillemot à des affiches dans leur atelier, ils commencent par un célèbre poste. Parce que comme disait Auguste Perret, tout ce qui est décoratif ne compte pas. Donc tout ce qui est secondaire, ça ne compte pas. Donc, s'il y a un message à faire passer, il faut qu'il soit unique, simple, compréhensible, visible d'un seul coup d'œil, encore une fois, vu en passant. Massin, donc celui qui a inventé la couleur blanche sur les livres folio, c'est ça aussi l'enjeu finalement, parce que si beaucoup de livres sortent, vous vous en sortez peu dans l'année pour bien les mettre en valeur, mais il faut aussi qu'ils attirent l'œil. Et là, il disait, la couverture c'est comme une affiche. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Louis Gauthey? Ouais, je suis d'accord. En même temps, je suis pas très très compétent pour en parler, parce que Massin c'est un grand graphiste. Moi, je suis pas graphiste, je suis autodidacte. Je fais avec mes moyens en fait ce que je peux pour être le plus intéressant, le mieux servir l'auteur. Mais moi, j'aime bien Massin. J'aime beaucoup Pierre Faucheux aussi, qui s'est occupé du club du livre pendant longtemps. Et c'est vrai qu'ils ont fait un boulot sur la typo que j'envie, mais bon, moi, j'ai pas la formation en fait nécessaire. Mais quand bien même chez Cornelius, dans cette maison d'édition, il y a beaucoup d'attention portée à l'objet livre. Ouais, Choix du papier, le choix de la couverture, la façon dont les lettres s'écrivent. Ouais, oui, c'est vrai. Et je pense que c'est parce qu'on peut pas. J'entendais un type qui allait des truites l'autre jour la télé, et on lui demandait pourquoi ces truites étaient bonnes, et il disait je me verrais pas vendre à quelqu'un un truc que je mangerais pas moi-même. Ben, c'est pareil, c'est une simple question de respect. On va pas donner, on va pas rendre public quelque chose dont on voudrait pas dans sa bibliothèque. C'est tout bête. Donc faut faire le mieux possible, parce qu'en plus le mieux possible c'est ce qu'il y a de plus gratifiant à faire. Si vous travaillez sur de la merde, forcément ça déteint un peu sur vous et c'est pas plaisant. Si vous faites ça vite fait en vous en foutant, vaut mieux faire autre chose, parce qu'après tout la vie est courte. Donc bien faire les choses, et c'est aussi bien travailler pour soi, c'est avoir du plaisir. Pour moi c'est un moteur, évidemment, avec l'exigence, mais c'est très lié. Vous êtes maniaque, vous, quand il s'agit de fabriquer des livres? Ouais, je suis un peu maniaque. En même temps, Est-ce qu'il faut pas l'être un peu aussi? C'est nécessaire, je crois, non? C'est rangé chez Cornelius? Ça dépend des jours, étant donné qu'on fait toujours des aménagements. Il y a des grandes phases comme ça, de très rangé et de très bordel. C'est des vagues. Et pourquoi Cornelius? Cornelius s'appelle Cornelius? Ça n'a rien de glamour, c'est malheureusement. J'aimerais pouvoir servir des anecdotes palpitantes. Allez-y, avec des... Ou même arriver à définir Cornelius avec une phrase, un pitch, quoi. C'est ces trucs, Cornelius est construit contre ça, et c'est construit contre les définitions, contre les... Contre le pitch. Contre le pitch, ouais, bien sûr, parce qu'on résume pas quelqu'un ou une identité en une phrase, alors ça fait de moi quelqu'un d'un peu chiant, forcément. Mais l'anecdote la plus palpitante que je peux trouver à vous servir sur Cornelius, c'est que j'avais ma petite feuille blanche et mon petit crayon pour trouver un nom pour cette maison d'édition, qui n'était pas du tout appelée à devenir ce qu'elle est devenue. Et je me disais, bon, je vais pas lui donner mon nom, c'est ridicule. En plus, mon nom n'est pas très intéressant en tant que tel. Et alors, j'ai commencé à faire une liste avec des trucs du genre ombre machin ou encrier truc, ce genre de conneries. Et la meilleure idée que j'avais trouvée sur ma feuille, c'était minuit, mais c'était déjà pris. Mmh. Et donc, je me suis dit, bon, il faut trouver un nom. Et comme je vais inventer un nom, en fait, qui caractérisera non pas moi, mais la structure. Il faut qu'elle ait une identité propre. Donc je commençais à écrire des prénoms sur une feuille, et le premier en fait c'était Cornelius, et comme j'en avais marre et que c'était pas mal, j'ai arrêté là. Et après j'ai trouvé des espèces de concordances qui m'ont permis de faire croire que c'était lié à Gustave le Rouge, ou à Babar, ou à Castoriadis, etc. Évidemment c'est du flan. Alors il y a Cornelius, mais il y a aussi des tas de prénoms parmi les collections. Il y a la collection Blaise, la collection Louise, la collection Solange, la collection Paul, la collection Pierre. Ouais, bah, c'est une façon de justement de pas définir en disant voilà, alors là on a la collection, on va faire la collection moto et femme à poil. Là on va faire la collection expérience vécue, témoignage. Bon, ça c'est bon, ouais, j'en dis pas plus parce que je sens que je suis au bord du dérapage et je vais griller ma seule fenêtre médiatique depuis 15 ans. Donc, mais comme en fait une collection bien sûr personnalise quelque chose, je trouvais que le plus marrant c'était de faire que Cornelius ait des tas d'enfants et qu'il faut bien qu'il les occupe. Donc c'est pour ça qu'il y a la famille Cornelius, qu'elle est sur les couvertures des catalogues et c'est un petit clin d'œil. Donc les personnages sont redessinés chaque année par d'autres auteurs. Et voilà, ça fait un semblant de vie dans la maisonnée.